Chapitre 5e, la fréquentation des religieux. Anicet prit la rue de la Porte-Peinte, la rue du Grand Séminaire, et tourna sur sa droite dans la rue Loubet. Il se fit ouvrir une petite porte discrète, par laquelle passaient les fournisseurs et les ouvriers. Dès qu'il foula le parquet ciré des salles, il se déchaussa pour éviter de le salir avec ses souliers crottés. Le frère qui le guidait eut un petit sourire de satisfaction. Au bruit que firent les lames du parquet à l'entrée d'Anicet, le père Reboul releva la tête de ses écritures et enleva ses lorgnons. C'était un homme long et mince, légèrement voûté. Son visage sans rides avait un teint d'ivoire. On ne pouvait lui donner d'âge, mais Anicet pensait qu'il devait avoir la soixantaine. Il se leva lentement et quitta la table sur laquelle il était en train d'aligner des chiffres. Anicet lui expliqua le but de sa visite et ce qu'il attendait de lui. « Mon brave Imbert, je ne te cacherai pas que je n'ai guère de sympathie pour ce genre de personnage. » dit-il en parlant de Morel de Roncajoles. Vrai ou faux noble, d'ailleurs, je ne l'ai prise guère. Je préfère la sincérité et le courage des gens du peuple, comme toi. Merci, mon père, j'en suis honoré. Tu sais, la tâche ne va pas être facile, car ici j'ai beaucoup d'ennemis. J'ai été placé dans ce séminaire par charité. Puisque mon ordre a été dissous et malgré ma santé encore vaillante, je ne sers pas à grand-chose. Pour une fois, et depuis longtemps, je viendrai en aide à mes semblables, surtout par charité chrétienne et pour rien d'autre. Certains, parmi mes frères, sont d'anciens jansénistes et me surveillent du coin de l'œil, croyant que je ne m'en aperçois pas. Ils penchent plutôt en faveur de la Constitution. » Au mot de janséniste, Anicet leva les sourcils pour montrer son ignorance. Le père Reboul lui expliqua que, presque 100 ans avant, certains ecclésiastiques avaient adhéré à la doctrine de Jansénius, un évêque qui prétendait qu'on n'avait pas besoin de la grâce de Dieu pour faire le bien et que tous les individus étaient prédestinés. De plus, les adeptes s'opposaient à l'absolutisme de la monarchie. Les jésuites furent leurs principaux adversaires, estimant que les jansénistes mettaient en péril l'autorité du pape et celle du roi. Les querelles divisèrent le royaume sous Louis XV. Le pape finit par dissoudre la Compagnie de Jésus en 1773. Certains jésuites quittèrent la compagnie, d'autres rejoignirent le clergé séculier. C'est ce qu'avait fait le père Reboul, mais au fond de son cœur, il avait gardé l'éthique et la foi de la Compagnie de Jésus. « Vous allez prêter serment à la Constitution, mon père ?»« Bof !» fit le père d'un geste désabusé. « Je crois que je vais m'y résoudre. En fait, je te l'ai dit, je n'ai aucune attache avec la noblesse. Je n'ai pas d'état d'âme dans ce domaine. Ce sont les hommes qui m'intéressent, leur cœur, leur salut, et non leurs idées politiques ou philosophiques. Quoi qu'il en soit, s'il s'agit de leur sauver la vie, je remplirai mon devoir de chrétien, à la grâce de Dieu. Comment allez-vous les faire sortir de la ville, mon père ? En plus, tu veux des précisions. Tu n'as donc pas confiance en moi ? Repartit le jésuite avec un sourire ironique. Sache que nous avons encore un prieuré dans le Luberon, à Ansouy. Je m'y rends de temps à autre pour procéder à la fermeture des lieux, puisque petit à petit on va tout nous prendre. Il me sera assez facile d'emmener avec moi 2 frères de plus. Le prêtre Reboul agita une clochette de sa longue main jaune et décharnée. Un séminariste parut sur le champ. « Apportez-moi 2 frocs usagés, mon fils. Il y en a dans une armoire, au vestiaire, peu importe la taille. Même s'ils sont sales, mon père. » Le père jeta la main par-dessus son épaule en signe d'indifférence. Il fut convenu qu'Anicet amènerait les 2 hommes habillés en religieux en leur recommandant bien de parler le moins possible. « Tu me dis qu'ils ne sont pas très futés, alors moins ils en diront, mieux ça vaudra. » Pendant ce temps, Manon entrait chez les sœurs, rue du Bon Pasteur. Celle qu'elle connaissait le mieux et avec laquelle elle était le plus en empathie était la sœur Sainte Cécile. Cette dernière était en train de décorer de fleurs fraîches l'autel de la chapelle. Elle regarda Manon venir à elle et l'accueillit avec un large sourire. Posant ses fleurs, elle descendit les 3 marches et embrassa la jeune femme avec transport. Puis, s'écartant de Manon, elle lui dit en riant « Qu'est-ce que tu es jolie !»« Vous aussi, ma sœur, vous êtes belle !» répondit Manon. La sœur Sainte Cécile avait près de 40 ans, mais l'âge n'avait pas de prise sur elle. Son teint uni et diaphane laissait voir de fines vénules bleues sur les tempes et ses yeux verts gardaient en permanence un éclat chaud, même lorsqu'elle ne souriait pas. Son visage au trait parfait irradiait littéralement, reflétant la joie, la béatitude qu'elle devait ressentir dans la paix du Seigneur. Au début de leur relation, sœur Sainte Cécile avait donné à Manon l'envie d'entrer elle aussi au Carme, tant la religieuse paraissait heureuse et rayonnante. « C'est gentil d'être venue me voir, » dit-elle. « Tu veux m'aider à décorer l'autel ?»« Je veux bien, mais je n'ai pas beaucoup de temps, ma sœur. » Tout en arrangeant les bouquets, Manon expliqua à la sœur ce qu'elle attendait d'elle. Tout comme le père Reboul, la religieuse ne fut sensible qu'au fait qu'il fallait sauver deux vies, sans se préoccuper de leur classe et de leurs conditions. Franchir les portes ne posait guère de problème, car tous les jours, les religieuses se rendaient à leur jardin hors les murs, pendant qu'on le leur permettait encore. En revanche, pour rejoindre le Luberon, il leur faudrait négocier un moyen de transport quelconque, puisque les fugitives semblaient en avoir les moyens. Sœur Cécile allait se renseigner sur ce point. Dans l'atelier de Corentin, Armande, comme pour se donner du courage, prit son ami dans ses bras et le serra fort, sans dire un mot, puis elle s'écarta de lui. « Allons, dépêchons, coupa-t-elle. Et débarrassons-nous d'abord de ces imbéciles, et après nous aurons le champ libre pour Larieux. J'emmènerai les femmes chez moi, et toi tu prendras les hommes ici. » Corentin lui prit les mains. « Je les ferai sortir deux par deux. Toi, Armande, poste-toi au carrefour pour surveiller les quatre directions, et préviens-moi par signe quand la voie sera libre. » Le jour commençait à baisser. Corentin pénétra dans la maison habitée par Larieux, scrutant si personne ne l'observait derrière une fenêtre. Le bruit de la serrure affola de nouveau la famille Morel. Ils n'avaient osé allumer la lanterne et la cave était déjà dans la quasi-obscurité. « C'est moi, » leur dit Corentin à voix basse. « Je viens vous chercher. Je vais commencer par amener les dames. Essayez de marcher le plus vite possible, mais sans courir, en gardant une démarche naturelle. » Je vais vous prendre chacune par le bras, comme si nous étions en goguette, vous comprenez ? » La mère et la fille acquiescèrent. La mère Morel aurait d'ailleurs bien aimé être vraiment en goguette avec un tel homme. Quant à la fille, elle pensait seulement que Corentin devait être très fort. « Chut, pas de bruit dans l'entrée !» fit Corentin. Armande fit signe d'avancer et la trentaine de mètres séparant les deux maisons fut franchie sans encombre. La jeune femme les fit entrer dans l'atelier du tapissier et leur recommanda de rester dans le fond. Puis elle ressortit pour de nouveau surveiller les rues. Corentin avait demandé aux hommes de jeter les couvertures sur leurs épaules afin de dissimuler leurs maudites culottes. Armande leur indiqua la voie libre, mais, fait qu'elle ne pouvait prévoir, deux hommes, des gardes nationaux, surgirent d'une des portes de la rue du Griffon en riant encore d'une plaisanterie qu'ils venaient d'échanger. Ils remontèrent la rue. Visiblement intrigués par les couvertures des Morel, ils ricanèrent en dépassant les trois hommes. « Ce n'est pas carnaval pourtant !» remarqua l'un des deux gardes, tout en désignant Morel et son fils. « Non, non, » répondit Corentin, se forçant à rire. « Ils sont malades. La fièvre, » expliqua-t-il. « Ma femme va les soigner. »« Ah !» fit le premier garde. « Si ta femme est jolie, je veux bien qu'elle me soigne aussi, » plaisanta-t-il. « Oh là !» fit l'autre. « Au large, citoyen, moi, je ne tiens pas à attraper leur miasme. » Craignant la contagion, les gardes s'écartèrent et poursuivirent leur chemin en accélérant l'allure. Morel et son fils pénétrèrent donc dans l'atelier de Corentin juste au moment où Jeanne Larieux, que tout le monde appelait la mère Larieux, rentrant de son travail, apparaissait au début de la rue. Il l'avait échappé belle, quoique, vu sa démarche, la femme Larieux ne devait pas avoir les idées très claires et n'aurait peut-être pas vu grand-chose. Armande avait fait monter les deux dames à l'étage et se mit en devoir de les faire ressembler à des femmes d'ouvriers ou des paysannes. Une des vieilles robes de la jeune femme alla à la fille, grande et forte, mais, pour la mère, Armande dut couper une vieille jupe de laine noire qui fit ressembler la mère Morel à un bac-sac. Devant les récriminations de la femme, Armande se mit en colère. « Écoutez, ma belle, c'est ça ou bien vous allez cul nu ?» Répartie qu'eut le don de faire rire la fille aux éclats. « Ah » fit-elle, « je vous imagine, quel beau spectacle !» Pour la calmer, sa mère lui envoya un soufflet à abattre un arbre. « Idiote, pas plus de cervelle qu'un moineau !» Sur ces entrefaites, Manon revint de chez les sœurs. Lorsqu'elle vit les deux femmes, elle ne put réprimer un sourire amusé. « C'est parfait, » dit-elle. « Ainsi, nous allons pouvoir nous déplacer sans risque. » Pendant ce temps, Anicet, de retour, entrait dans l'atelier de Corentin. Il expliqua à Morel la suite des opérations et leur demanda d'enfiler les frocs qu'il avait amenées. Le fils Morel montra bien quelques réticences en raison de la repoussante odeur que dégageaient les vêtements. « Allez, ne traînons pas, » ordonna Corentin. Il faut que cette question soit réglée avant ce soir. Je ne crois pas que le froc soit un bon déguisement, Anicet. Les enragés en veulent peut-être encore plus au curé qu'au noble. Qu'ils gardent leur couverture sur le dos, ça passera plus facilement. On jeta les frocs dans un coin et les deux hommes se couvrirent de nouveau. Puis Morel commença à farfouiller dans les poches de sa culotte qu'il n'arrivait pas à atteindre. « Il y a des puces ?» demanda Anicet. « Non, je cherche ma bourse, » répondit Morel de son ton feutré. « Et pourquoi faire la bourse ?» s'écria Anicet. « Garde ton sale argent, citoyen. Tout ne s'achète pas. Si tu veux nous obliger, débarrasser le plancher le plus vite possible, toi et ton fils, allez !» Et mon épouse ? Osa encore demander Morel. Ton épouse et ta fille m'ont rejoint dans les sœurs carmélites, rue du Puy-Chaud. Celles-ci les feront sortir de la ville, mais de là, il faudra qu'elles se débrouillent toutes seules. Allez ! Redit Anicet en poussant les deux hommes vers la porte. La nuit était tombée. Anicet marchait d'un pas si ample que les deux Morel étaient obligés de trottiner pour le suivre. Heureusement, ils ne rencontrèrent âme qui vive. De plus, la rue du Grand Séminaire n'était que faiblement éclairée, et la température avait baissé avec l'arrivée de la nuit. Lorsque la petite porte du séminaire se fut refermée sur les Morel, Anicet inspira longuement, débarrassé d'un lourd souci. Il savait très bien qu'en les confiant à l'asile moribond du séminaire, il les laissait tomber de Charybde dans Scylla, mais après tout, se dit-il, il l'avait bien cherché. Resté seul dans l'atelier, après le départ de Manon et d'Anicet, Corentin et Armande se rapprochèrent l'un de l'autre et s'étreignirent les mains. Depuis midi, la tension avait été forte et ils savaient tous deux que la journée était loin d'être terminée. D'autres épisodes pleins de dangers les attendaient encore. L'un contre l'autre, leur ressemblance était encore plus frappante. On aurait pu croire qu'ils étaient tous deux du même sang, de la même chair, comme les avatars féminins et masculins d'une même entité. Armande se plaça devant Corentin assis, le ventre de la jeune femme touchant la tête de son ami. « Vivre tous les jours à tes côtés, c'est bien. Mais depuis quelque temps, ça ne me suffit plus, Corentin. Jusqu'ici, nous n'avons rien fait de mal. Nous n'avons pas trahi Anicet et Manon. Pourtant, je crois qu'Anicet est plus amoureux de Manon que de toi, ma belle. Tu ne vois pas comme il la regarde à chaque fois. Y aurait-il offense à ce que tu trouves ton bonheur auprès de quelqu'un d'autre ?» Armande s'écarta soudain de Corentin comme s'il la brûlait. « Attends, je ne suis pas prête, » dit-elle pour s'excuser. « Et puis, Anicet ne va pas tarder. Il faut se débarrasser du cadavre, car demain, il est hors de question que je travaille avec ce macabé au-dessus de ma tête, et Manon n'acceptera pas de dormir à côté de lui. »